Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de football avec notre ami Nick Manacci. C'était le pré-camp d'entraînement des Cougars de Chicoutimi. Question de savoir un peu comment ça s'est passé là-bas et à quoi, qu'est-ce qu'on a fait. On parle avec l'instructeur Nick Manacci. Salut Nick. Salut Danny. Nick, comment ça s'est passé dans l'ensemble, ce qui s'est passé, le pré-camp la semaine passée? Ça s'est vraiment bien passé. On est vraiment contents. On est contents de voir la progression de nos joueurs vétérans. Puis on était contents aussi de voir là que plusieurs recrues qui se sont présentées qui étaient là. Puis des joueurs qui vont être des joueurs d'impact dès l'automne prochain pour nous autres aussi. OK. Ça sert à quoi? Ça sert à savoir, évidemment, vous donnez un programme d'entraînement pour que tout au long de l'hiver. Ça sert à mesurer ça dans l'ensemble? Oui, ben ça nous sert à prendre les progrès puis le travail qu'on fait. En off-season, dans la salle qu'on fait à la course, les gars courent deux fois par semaine, la musculation, les gars qui sont là trois fois, quatre fois par semaine, ça nous permet de voir les gars qui se sont entraînés fort, les gars qui ont progressé. Puis ça nous amène aussi à voir un peu le travail qui est fait l'hiver, puis ça se transpose pendant le pré-camp. Donc on a des joueurs là qui ont bien performé, puis on se dit, ils ont vraiment bien travaillé aussi au niveau physique. Ils ont pris du poids, sont physiquement plus forts. Il y a des joueurs que ça a paru. Là. Vraiment, là, on a vu une différence là, à ce niveau-là. OK. Il n'y a pas de situation de match. Il n'y a pas de situation de match, là. Oui, le dimanche, c'est différent. On fait des situations de match sur la passe, des situations au sol aussi. Puis le dimanche après-midi, c'est vraiment c'est un 12 contre 12. Là. C'est un match inter-équipe. On y va toujours autour là, de environ 60-70 jeux pour permettre, parce qu'on veut voir nos recrues aussi, puis on veut voir nos vétérans dans des situations de match. Donc, on commence à rentrer certaines bases du cahier de jeu. On va pas très en profondeur parce que on sait jamais, on veut pas mettre du temps là sur des joueurs qui seront pas nécessairement là l'automne prochain. Sauf que cette année, nous, tous les joueurs qui étaient là, c'est des joueurs qui sont soit signés ou sont déjà inscrits au Cégep de Chicoutimi. Comment t'as de joueurs? C'est ça qui est vraiment bien. Comment t'as de joueurs? À l'heure actuelle, pendant le pré-camp, on a 54 joueurs qui ont passé dans la fin de semaine. Okay. Y en a qui peuvent être là, exemple, le vendredi. Il y en a qui peuvent être là le samedi. Il y en a qui peuvent être là le dimanche. Parce qu'il faut composer avec les horaires de travail aussi. Là. C'est pas toujours facile. Il y a une pénurie de travail partout au Québec. On voit ça passer. Fait que nos jeunes, la fin de semaine, qui demandent le congé, sont obligés d'aller travailler. Donc ça, c'est un peu plus plate. Par contre, on a eu beaucoup de jeunes. Là. Puis, ça comprend pas là, tous mes internationaux que j'ai recrutés cette année. Puis sans compter les joueurs, là, comme je te dis, les joueurs qui n'étaient pas présents. Beaucoup d'internationaux, d'ailleurs. Hein. Oui, quand même. Je dirais que c'est mon année, c'est l'année où je recrute le plus de joueurs de joueurs de l'extérieur. On veut combler des besoins, des besoins qu'on n'est pas capable de combler ici au Québec. Par contre, je dirais qu'à l'heure actuelle, on va avoir une douzaine de joueurs français l'année prochaine. On est toujours autour de ça, on est toujours pas loin de ça. Notre but, c'est pas de monter à 30-35 joueurs français. Le but, c'est pas d'avoir l'équipe junior de France dans notre équipe. Ouais, c'est ça. Donc, Nick, avec ce que tu as vu au cours de la saison, donc du pré-camp, j'imagine que tu vas suivre, tu vas donner un autre programme d'entraînement pour l'été? Oui, exactement. Nos joueurs sont suivis par Martin Bergeron, qui est préparateur physique. Puis lui, il leur donne des programmes d'entraînement qui changent là à tous les mois, à tous les cycles d'entraînement. Puis en plus de ça, on lui fournit un programme de vitesse là, pour qu'il arrive fin prêt pour l'automne prochain. OK. Comment tu vois maintenant les gars du Haut-du-Lac? Est-ce que tu as vu, vu des progrès également dans nos gars d'ici? Oui, absolument. Dans mes vétérans qui sont avec moi là, depuis 2-3 ans, là, Vincent Rodrigue, Maxime Gay, Alexis Thibault, Simon Grimard, Marc-Antoine Jean qui est là depuis 4 ans. Puis les deux nouveaux venus, là, nos deux transferts de Division 1, Alexis Bradette, Vincent Bouchard. On a vu des belles progressions chez nos vétérans. Puis on a pu voir pourquoi Alexis Bradette et Vincent Bouchard ont été recrutés en division 1, parce que c'est des joueurs qui peuvent avoir un impact avec l'équipe rapidement. OK. Ben, Nick, on va surveiller ça de très, très près, évidemment, la saison du football collégial. Au mois de septembre, on va recommencer. Comment on l'a fait les autres années? Parfait, merci, Dani. Voilà, donc l'instructeur des Gaillards de Chicoutimi, Nick Ménard.